Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Henri, on se retrouve pour Hent ar brezhoneg kentel per an, 16 à Perugen, 487. Ça? C'est ça. Voilà. Et, comme d'habitude, le mot de guerriou ar vue, un mot aujourd'hui pas mal utilisé, je crois, en breton. Oui, pas mal utilisé, surtout quand on donne des ordres. Ma grand-mère l'utilisait souvent. Elle disait chon me choule. Hein, donc restez tranquille, bêtchoul, hein, soyez tranquille. Tranquille, sage, silencieux, comme les enfants savent l'être. Hein. Voilà, ou pas, oui. Donc c'est un adjectif qualificatif qu'on emploie souvent comme adverbe aussi, comme souvent les adjectifs en breton, et qui existe également en gallois. Alors l'origine, selon Albert Day, est une origine obscure. Peut-être une onomatopée, hein, un sifflement qui serait caractérisé par un mot et qui a comme sens général calme, tranquille, silencieux. Alors comme je le disais, hein, on emploie souvent ça en disant chommetchoul, betchoul. Ondenchoul, c'est quelqu'un de tranquille, de paisible, hein, un taiseux, hein, c'est comme on dit dans le pays gallo, un taiseux. Hein. Voilà. Orvrochoul, c'est un pays tranquille, hein, où, comme ici, quoi. Le pur udam, pesandigouden. Amjurchoul, hein, un temps tranquille, calme, hein, voilà. Ergeriadenchoul, hein, un village tranquille, hein. On peut dire Didrouze aussi, hein, Didrouze. Sans bruit. Sans bruit. Il y avait le bistrot de Trémargat à un moment s'appelait tout le Didrouze, hein. Ah ouais? Ouais. Le trou sans bruit. On aurait pu dire tout le choule aussi, ouais. Hein, voilà. Choule, c'est marrant, ça rime avec cool. Hein. Ah oui, c'est vrai. Aussi. Alors, le comparatif choulor, hein, plus calme, plus tranquille. Et le superlatif choulant, le plus tranquille, le plus calme. C'est un nom qu'on utilisait parfois pour des personnes ou même pour des animaux, le diminutif choulik. Ah, ouais. Petit calme, petit tranquille. Pour les chiens, par exemple, pour les chiens ou les chats, par exemple, c'est un joli nom. Voilà. Alors, il y a pas mal d'expressions avec le mot choule. Par exemple, choule et velorbé, hein, calme comme une tombe. Ça, c'est pas très... C'est pas d'une gaieté fantastique, mais... Voilà, c'est vrai que c'est... Hein. Choule chibouron. Alors ça, je sais pas trop d'où ça vient, parce que choul chibouron, ça veut dire tout doucement. Je l'ai déjà entendu, la deuxième partie, chibouron, je sais pas trop d'où ça vient. Choul à choul, discrètement. Choul velo logoden. Alors souvent, on ajoute mesker bleut, hein, tranquille comme une souris dans la farine. Ah, ouais. Elle fait pas de bruit pour ne pas être repérée, quoi. Et alors, on trouve souvent, d'ailleurs, l'association entre choule et logoden. Choule logoden, hein, tout simplement. Hein. Choule ou choule logoden. Tranquille comme une souris. Ou comme des souris. Badesian choule, ça, c'est un peu oublié maintenant. C'est un baptême silencieux. C'était le baptême des enfants dits naturels. Qui n'avaient pas droit aux cloches. Oui, ça a duré jusqu'aux années 50 à peu près. Ouais. Badesian choule, hein, cela n'avait pas le droit à ce qu'on leur sonne les cloches, quoi. Voilà. Un proverbe aussi que j'ai trouvé dans un article de Martial Ménard, là. L'herve est un dour choulant, l'herve est un donnant. C'est un proverbe marin, hein. Là où l'eau est la plus calme, c'est là qu'elle est la plus profonde. Peut-être deux sens. Oui, il peut y avoir des sens figurés, quoi. Ouais, ouais. Donc, se méfier de l'eau qui dort, hein, ça se dit aussi en français. Hein. Alors, à partir de là, on a fait un verbe, bien sûr. J'avais pas dit tout à l'heure, Havelschul aussi, hein, Amjurschul, Havelschul, un petit vent, une petite brise, hein, quelque chose de tranquille. Le verbe calmer ou se calmer, c'est souvent comme ça en breton d'ailleurs. Hein, on a pas forcément un verbe réfléchi pour pour le verbe. Donc choulat, choulat, c'est calmer ou se calmer. Hein. Alors c'est construit avec deux a, hein, l'infinitif, comme souvent les verbes qui sont construits à partir d'un adjectif. Hein. Choulat, hein, donc se calmer. Et le participe passé, choulet. Hein. Moi, je prononce vraiment à la Grace Brace ici. Hein. Choule de meus, hein, je me choule de neus en avel, hein. Le vent s'est calmé. Alors, le calme, la tranquillité, il y a deux façons de le dire. Hein. Schulder, qui est masculin, et schuldet, qui est féminin. Mais c'est le même mot, hein, schulder. On trouve souvent ça dans les poèmes, dans les poètes qui évoquent le calme de la nature, le calme de la campagne. Hein. Un autre mot qui est dérivé de schul, c'est schuladen, hein, une accalmie, par exemple, après une tempête, hein, or schuladen so bed, hein, voilà, une accalmie, un apaisement. Alors, il y a aussi schulidiges, hein, pour l'apaisement. Mm. Voilà. Schulon, qui veut dire recueilli, hein, voilà. Schulon, c'est le recueillement. Et schulaus, c'est quelque chose qui tranquillise, hein, un sédatif, par exemple, hein, schulaus. Bah, schul in trogonim hudu. On en reste là. On passe tranquillement à la seconde partie, brezonek tam à tam. Ça Brezon Nectan Matam avec Henri Le Naou. Henri, un petit dialogue dans Brezon Nectan Matam où Chandik, la fille de la radio, Plara Radio, va à la rencontre du recteur de Zantoluk, c'est ça ? Voilà, Iwan Undu, hein, qu'on connaît bien depuis longtemps. Le recteur, c'est le curé. Oui, c'est ça, oui, le recteur. Oui. Mais lui, ça fait longtemps qu'il est là et il va certainement finir sa carrière à Zantoluk. Mmh. Alors là, il parle de la période de Noël. C'est d'actualité. Salut d'autres ou personnes. Penosement compte. Matri, Chanik, matri. L'arrêt d'Inta, autres ou personnes. Tostom vraiment de Nedelec. Ya, tostadera. Petra Vogret, Blaman, Bazantolek, Vid Nedelec. Vraiment, Bazantolek, Evel, Kiz, Akustum, Vogret, Père Warnugen, Vogret, Noverne, Nedelec. Trop en tournos. Oh, ya, mais vraiment, Vegeda, Bretor, Evel, juste. De Eiser, de Nons, de Eiser, Antor, Pelarin, Mat. Vogret. Ah, ge brezonek? Ah, ya, kalze dut vo brezonek. Da skoer vo kan de opé bezburz u de veland. pebeus burs i de Welland, pitant mon oise vos grèdes, vos cornes pétrous war un douar. Pétrous war un douar, pétrous glaive en mi. Hag bonne brezegen vos grèdes ganin, zer mon ma peçoin de vos grèdes ganin, brezonek. Hag videchu i vos cornes de gloria, gloria nedelag, pewe ganet Jésus en salver. Pewe ganet Jésus en salver, be vous beklez de zi. Hag pewe echu en auvergne, vos kinig de bonar guintom de tout un dut, pewe bonar dou rozen matrezen, vid dernei. Ah, fez noz waler? Ah, ya, waler gevridig eus bleunioz an tol, ra on tom fez noz, waler an auvergne, dis, ur fez noz digoust. Plijadur bazan tolek, vel kis akustum. Ya, ya, plijadur ve bazan kolk, dermot. Bon, on va reprendre phrase à phrase ce dialogue. J'ai pas l'impression qu'Henri et moi, on a tout à fait le même texte, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la photocopieuse qui fait des siennes. Une photocopieuse artisanale, oui. Mais oui. C'est étonnant. Salut, autre personne. Pénance moi compte. Oui, bonjour, monsieur le recteur, autre personne. Comment ça va? Matré, Chanik, matré. Oui, très bien, Chanik, très bien. L'arrêt d'Inta, autre personne. T'ose-t-on vraiment donner des lecs? Oui, dites-moi, monsieur le recteur, nous sommes bientôt à Noël. Ya, tous t'adora. Oui, ça approche. Ah, Petra Vaugrette, Blamant, Bazan Tolek, Vidné Delek. Voilà. Et qu'est-ce qui sera fait cette année, hein? C'est une forme passive. Azan Tolek pour Nedelek, pour Noël, bien sûr. Velkis a custume, Vaugrette, da Pervet, Barnugen, Auvergne, Nedelek. Oui, bah, comme d'habitude, Velkis a custume, Vaugrette, on fera. Le 24, il y aura donc la messe de Noël. Trop en tournos? Vers minuit, hein, puis c'était la messe de minuit. Oh non, vraiment, Vaugrette, Bredor, vel juste. Non, vraiment, Vaugrette, Bredor. Hein. Maintenant, on fait plus tôt, hein, à 8h30, d'Aizer Hunter. Aizer Hunter de Nos. Aguez Brezonek, demande Chanik. Et ce sera en breton? Ya, Calzedra, Vaugrette et Brezonek. Oui, on fera beaucoup de choses en breton, par exemple les cantiques. Ranticou de Gentan. Oui, Ranticou de Gentan. Quand on est de veau, alors on chantera, bon alors il cite et il chantonne un peu ce qui va être chanté. Opebus Burzu de Welland, hein, un cantique, un classique de Noël. Ça veut dire quoi ça? Quel miracle je vois, hein, c'est l'arrivée à la crèche là. À Petrus Warendouar. Petrus Warendouar, hein, quel bruit sur la terre. Ager, serment de Vaugrette Grandine et Brezonek. Et je ferai le serment en breton. Allez vite, échouez vos cornets Gloria Nedelec, peut vous gagner Jésus en salver. Oui, et pour terminer, on chantera le Gloria de Noël, un peut vous gagner Jésus en salver. Quand est né Jésus, notre sauveur. C'est le Gloria quand j'étais plus jeune, on dansait la marche des anges là-dessus. La la la la la la la la leno. Je sais pas ce que c'est la marche des anges, Henri. La la la la la. On dansait ça en marche, ouais, comme ça dans les balles popus, quoi. Ouais, dans les balles. Dans les balles, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça a eu son heure de gloire. Je sais pas, dans les discos d'aujourd'hui, ça n'aurait plus existé. Pas trop, non. C'est plus des discos maintenant. On dit quoi? Du clubbing. Mais enfin, je t'expliquerai. Moi, je viens d'apprendre, donc. À Pauvo Échu, en Auvergne, Véguiniguet da Pépin, Bernard Guin, Tom, P. Bernard Dourazen. Alors, oui, Pauvo Échu en Auvergne, et quand la messe sera finie, on offrira à chacun un coup de vin chaud, ou bien un coup de tisane, hein, Dourazen. Hein. De l'eau d'âne. De l'eau d'âne, oui. Pas de la pisse d'âne, mais de l'eau d'âne. Un fesnose, voir l'air. Je ne veux pas d'alcool, mais dans le vin chaud, il n'y a plus beaucoup d'alcool, puisque l'alcool s'évapore le premier, mais. Il y en a quand même qui n'en veulent pas, quoi. Voilà. À Fesnos, Warler. Ils font de l'église, hein. Ils font ça dans l'église, le vachement. Oui, sans façon, hein. Zantolek a le droit. À Zantolek, il y a le droit, oui. Voilà. On va faire un tour, alors. À Fesnos, Warler, demande Jean-Nic. Voilà. Et après, le Fesnos. Ya. Alors, Gévrédiguez, Bleu News, Zantolek, Rantom, Fesnos, Warler, en Auvergne. À Fesnos, Digoust. Voilà, oui. Donc, l'association Bleu News, Zantolek, les fleurs de Zantolek. Donc, on connaît bien, hein, c'est l'association de Job Nedelek, là. Et fait un petit fesnonce, un fesnonce d'igousse gratuit, quoi, hein, après la messe. Pour que les gens s'en aillent pas tout de suite. Pligeadur, Basantolek, Vilgiza Custum, oui, demande. Oui, du plaisir, de la joie à Saint-Aulek, comme d'habitude. Ah, ya. À Nedelek, Lawen, d'Apepeini. Et puis, joyeux Noël à tout le monde. Ben, on en reste là. Ben voilà. Getbe Montamtro, Basantolek. Troisième et dernière partie de Hent ar Brezhoneg, c'est Petra Zonevervro. Eri, Petra Zonevervro. Ben, kalz draou e vel just, vej me e guir ar, kalz draou e ber vej diouzan. Krogom de diantan e vel kiz a custum gant de la bourdouar hag ur vu e war ar mez. Kazi echu e bremañ en diskar amzer, me bet a bremañ e bet douzen amzer. Gwelet ve c'hoaz bleniou balioz ou gwelare dan meus o rose dan balioz, hein, pez vek gwelet aliz. Hag bon, dis ve gwelet ma trezen te yin or ban ur vech peneken, me bet a bremañ e bet douz un amzan. D'un daou ar nugen mizman vo ur gwan, pudur me mesra hem ba gwan, hag bon, ma trezen yin o un amzan, me de ma had vo un tam amzor skorn, me mesra blan ma c'hoaz. Ba amzor ne delek, ve prenet ba pepti, ve lak ba pepti, pe kaizi ba pepti, ur ven ne delek. Ur ven sapin kazi der mat, de la rade ur ven a chom ma glas par de gwan, hag implijet ve beb sordouen vid ur ze, ur pin kroaz da skwer, ur pin kroaz e nepisea, ez vijay an implijet kaizi der mat, a bremañ ve ka ve doen ouel ve le norman, Pudur un norman vir un delio ou pelar. Hag bon, dis ve gwelet de bepsan wen ve implije de d'oberze. Hendel, blaso ve implije d'or ven plastik. A him chan va glas pa de bla. Hag gervige de zor bla de nel. Amme ve implije d'or ven mestra, or ven sapin guir, hein. N'eo ket o nant plastik. Vi pez ezel deus ur goe beo, goe ven meus laratar pin kroaz petam an Norman, ya. Ve produ e kalz da se a breiz. Ka e, ya, kalz ta deus breiz, pe dur an meus o dou ar mat vidze, dou ar skan, a dou ar c'hwer an tamm, Hag un amzor zo mat, vit ze, a setu ba kal zo blas o vegret, bremañ, a ven kaset an tamm pe bler ba bro Franz, a ze zo deud de voud un dra bouez vid ekonomi ez evro. Vel meus lar ad ur vegel, ur bla daou vil pemze, gez o be val tre, vid de la bourdouar, un kouls vel vid de mor, vel vid de lez, hag e vil eo don lant de kik, ka e war tout un traoù ya val, Gaspi, Meuse, Vogueler, un trou, vide l'arbre d'ouar, ben, nom, genre de zone, quand l'arbre d'ouar, même sera, et si, chen, une économie, ze braise. Warda, chen, un endro, bon, ne ce que gual belzoz, obé, ba, par, is, hob, au nom, noir, nugen, ag, bénéfine, zobé, donem, gléou, très, tout de broy, oua, et non, ma, ce ne peut se gual, ne trou, fabius, gand, morzel, skei, war, un dol, villa, oua, deux, d'un trou, mat noir an ket ka bon de kalze drou de skalze drou ne ske be kontet ba hob on an noir nugen da skwer ne ske be kontet de ze hirinich ze zo leuste de gosti hag velar de vo kreske de un transport chou gant de hirinich hag o skoud e vid de se o dao bopet ze zo valput hag ne ske be komze de se ne ske be komze tan be muor de ze des une énergie es vélon que gant l'in internet genre de zo une énergie es bruise hein vélon que gant internet à ne ce cas de chiffre ou arzé puis genre zo on dra un tabou vel velar de zé on dra ne ce que droit de gombe de zé quoi puis genre révèle juste un internet l'américain net zo ba peine en affaires hein ag zizo koz vek komz de si. Se tu bon zo kalz dro a zo leusk me mestra ban da waligen ag mon red ve febin matrez en diazne bas klerigen an tom. Ve di se man kon. Bon, ne ke reval me mestra zo bed an emglev ba kopena gwa ke bed emglev bed bon ma senman un trau me mestra hond waro gwelet vo. Warder chener politiker ez evel just mon bed ur vota degou en eidro hag bon neus ket rand vro e bed gant ur frontist ez vevel ar pudur bon en dun den onza venen eptese hag bon ba bro Corsica emman ed emout gant rekar o bro pez oa ket bon neus ket bekom ze kalz de se hag eus koud e un dra e bouez hein. Pudur riz o tiven o bro, a tiven o yez, o ze venadur. A ze zo koz, man pel gwell ar an traoù enan vid liez, hag a ze venadur vid breiz am. Pudur am, bon, am neus ket kalz dud o tiven ar yez, benefin, bon ba... Am de gomz de zi on tam. Ya breiz am man ed un mout gant le trian, de ze bel, hein. Hag, bon, kalze dud zo bet dipit en me stran e oa ke bet tap tud deus listeno el vel hini troadeg pe hini rene loai un triant zo ed igan de ur vota degou gant mam eus listen jus vel vid un tro tientant pez ne ket tri me stran deus ar demokratez met bon a jusmat pe zel meus on tam pe Vesare ou aba sou bi tramen d'ar hag velar en d'ar vegel vek gwell de Jacobin peve Kambali me peve zel de ze listen zo kalz Jacobin de ron avet mat bars an ne be de re a zo kapt de ziven breiz a de hag ur vro benefin bon mamez re zo war plateau yo tele vo gwell mamez breiz an eger yon vel kiz a custum zo pevetap de pemperwer vo gwell mamez re hag deus ur reel zo kab kalz a war an ken na bu na ba deus evena dur breiz quoi bon ne bon gwellet vo pis a mod vo kon a redil leus ken ned ar labor bon setu ar vit politiker ez hoan moa de l'ar droaz an tam drambenek ket pudur kom zet ve kalz ur eus o pudur vid lez en leno traz zo kalz ur eus ur mar emant kom zoa deus mur oaet ba bro pond ya zo kaz mont ba bro loud yak bremañ chanj de la waler bon ba strolat pariz yu kalag zo an tam jej ble pudur Dern zo kaz mont de Garez, ba poer communauté, dernel zo kaz mont de Vengam, vel bulad ma peson, zo tro eut sa Gwengam, quoi. Oran ke pe sa mod vo kont. Bon, prefen eus kinig de Stagan strolat kalak de ce CCKB, quoi, mais de ce que calze barouge aux oiseaux du, de ce que mes purées la très mal, gade bénéfine, ag bon, ou an, kepe sa mode vokon. Bon, alors vége le grand tendard de ce vitchan, jeune tom, à mon doigt, d'achen zévenadur, ce qu'on me tarde de ce redad, que vos grètes baffines misibles, ag de au tientan de mismé, ag tramenrei de sei ya de 6 heures visme drame no ba rostren très haut de rente à 10 heures de zeberi gars c'est ma pour rendre dans de vel morgan bred mais après il me dit oui zed ya ya bon hendel or gevridig bcd bretagne culture diversité zo hontober o rinab de war ar glad dit dan de vezel, e breiz, le patrimoine immatériel, hag patrimoine culturel immatériel, hag n'en di bab de krog i la bour gant kreiz breiz. Ma trez un peus begwell eze. Hag bon vo rinab tout peso de zur glad ze, war a ye, zur brezon, gant gan oe nou, un danse, un festionnons, bon, tout un trouse. Hag, pour voir vos, RKB, nafer, peut dire, RKB, zo calz, diel ou bénéfine, trouse au bé de enrol de pelzo, c'est pas une très grande l'assaut. Bon, hag, ouel, d'vo, n'a un pèse à mode, vos con. Hendel, wardash, ne zévena, du roi, zo levers au bé d'imban, ne vaisseau, gant, tu de zevro, vel Pierre le Dour, as, war nabati bon repos. Brezon ak vel ar bonar e kuyem. Discuse-moi, dia, mais l'ar, moi, Cleven, moi, Bellar, gojel gos, pe wan yaouang, brezon ak vel ar bonar e kuyem, quoi, moi, quand vas-y, fin, tu quoi. Ag, bon, o lever zo, im bandet gant kayer ar poer, hein. Kayer puis kayer ou ar poer. Bon, hanter kan lasso, wabe deschu de ze wa de neiz viz tierzu, wabe deschu ur huzul, pe ur honsil ma peswan, Vatican dao. Ag honsil zun de se chanche kalz drao, war dachen iliz ag l'idee razan. Déjà, ou bed dileus ket latin vid ober l'idee raz ba yez evro. Mais am ze vije bed sans et d'or on tom zikour d'or brezon lag e hontrol zo bed pe dur benefin ou bed la ket tout l'en trovon galak an eket un brezon ne. Ag tout de hantiko vije kand de bon zo bed boutemez ez un iliz kasi pebler. Ag an se vid Ronsil Benefin, au sens de rayon tom tolzik ou d'embraison de Ganus que Gret, rentre les bêtes. Aziz au dommage tri. Hendel, ma treize un peu gouelle, zo, Jean-Paul Roland, au grand-père, dans zo, labourade ou au DVD ou à Parous Bulat. Ag DVD, ze teimez, ag as au vocum, ze de ze, ze vo gouelle de Ilis Bulat, pardon de Bulat, Zantezan en radeneg, bon, manneur bodilio, à tout de 12 heures glades, zo babulat. Bon, car adine, meus grèd, on tombe trop de spesso neve et bavro, ag ben vegel vos grèhoas. Kenavo, Eri. Ya, tiens, en vegel, n'a dit que Marie-Laure et Morgane. Keno.